Enfants affamés. Un homme est touché de voir à quel point les enfants de la terre sont dans le besoin et la misère. La faim les tourmente et les maladies les torturent. Il en est attristé et fait des reproches à Dieu. Il lui dit : Dieu, pourquoi permets-tu que ces pauvres enfants meurent de faim ? Pourquoi ne fais-tu rien contre cela ? Et Dieu lui répond : Pourquoi crois-tu que je t'ai créé ?